voudrais parler de ce monde d'enfoiré auquel j'appartiens, ce monde rempli de chiens qui au quotidien agit sur le destin. Je voudrais parler de ces alcoolisés qui trouvent plus facile de devenir victime, la facilité d'affronter la vérité. Je voudrais leur dire espèce d'enculés qui nous font devenir des gens maltraités, des jours dans le passé, une enfance porcelée. Toi qui nouveau né dans ce monde enfoiré, tu dois encaisser sans jamais plier. Je voudrais savoir pourquoi les gens bien finissent par avoir des proches qui s'éteignent, des malheurs de la vie dus aux maladies. Je voudrais cracher sur les gens de ce monde qui se disent attachés et qui te répondent. Je voulais pas te tromper avec ton ami dans ton lit. Je voudrais parler de cet enfoiré qui a décidé un jour de me quitter. Dépression, sans conversation, sur une impulsion. Tu as découvert ce monde enfoiré. Tu dois avancer sans jamais renoncer. Je voudrais dénoncer ces putains de friquets qui sont les premiers à tout critiquer. Politesse, jeunesse, pas de bonjour pendant leur séjour. Je voudrais parler de tous ces abrutis qui se croient tout permis, tuer des familles à cause de l'ivresse, de la vitesse, sans être concerné. Je voudrais parler de ces hommes politiques à qui l'honnêteté et la république font imaginer une bande de vautours qui nous tourne autour. Toi qui as grandi dans ce monde enfoiré, tu dois te remuer et poser tes idées. Toi qui nouveau né dans ce monde enfoiré, tu dois encaisser sans jamais plier. Tu as découvert ce monde enfoiré. Tu dois avancer sans jamais renoncer. Toi qui as grandi dans ce monde enfoiré.